Les filles, c'est beau comme un jeu, c'est beau comme un feu, c'est beaucoup trop peu. Les filles, c'est beau comme un fruit, c'est beau comme la nuit, c'est beaucoup d'ennui. Les filles, c'est beau comme un renard, c'est beau comme un retard, c'est beaucoup trop tard. Les filles, c'est beau tant que ça peut, c'est beau comme l'adieu, et c'est beaucoup mieux. Mais les chiens, c'est beau comme des chiens, et ça reste là, à nous voir pleurer. Les chiens, ça ne nous dit rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça vous pend au nez, ça vous prend au thé, ça vous prend les dés. Les filles, ça vous pend au cou, ça vous pend au clou, ça dépend de vous. Les filles, ça vous pend au cœur, ça se pend aux fleurs, ça dépend des heures. Les filles, ça dépend de tout, ça dépend surtout, ça dépend des sous. Mais les chiens, ça ne dépend de rien, et ça reste là à nous voir pleurer. Les chiens, ça ne nous dit rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça joue au cerceau, ça joue du cerveau, ça se joue tango. Les filles, ça joue l'amadou, ça joue contre joue, ça se joue de vous. Les filles, ça joue à jouer, ça joue à aimer, ça joue pour gagner. Les filles, qu'elles jouent les petites femmes, qu'elles jouent les grandes dames, ça se joue en drame. Mais les chiens, ça ne joue à rien, parce que ça ne sait pas comment faut tricher. Les chiens, ça ne joue à rien, c'est peut-être pour ça qu'on croit les aimer. Les filles, ça donne à rêver, ça donne à penser, ça vous donne congé. Les filles, ça se donne pourtant, ça se donne un temps, ça donne en donnant. Les filles, ça donne de l'amour, à chacun son tour, ça donne sur la cour. Les filles, ça vous donne son corps, ça se donne si fort, que ça donne des remords. Mais les chiens, ça ne vous donne rien, parce que ça ne sait pas faire semblant de donner. Les chiens, ça ne vous donne rien, c'est peut-être pour ça qu'on doit les aimer. Et c'est pourtant pour les filles qu'au moindre matin, qu'au moindre chagrin, on renie ses chiens.